Les petites histoires de Tell Me. Cette histoire a été diffusée en novembre 2018. Quand le chat mène la danse. Au fond d'une ruelle qui sent les pieds, dans le trou d'un vieux mur qui pèle, à travers l'obscurité moite comme un dessous de bras, cligne une petite lumière jaune. Tip, tip, tip. C'est l'ampoule d'une vieille guirlande lumineuse qui refuse de briller plus d'une seconde. Une petite patte griffue tapote dessus d'un geste très professionnel, mais tip, tip, tip, pas de changement. Finalement, un bon coup de poing sur l'ampoule et hop, miracle, la lumière cesse de clignoter. Elle dévoile alors un intérieur agréable où un petit canapé boîte d'allumettes vous invite à la détente et une table basse bouton de culotte porte deux minuscules dés à coudre remplis d'un chocolat chaud, fumant et rudement appétissant. Le mur est entièrement couvert d'une carte postale énumérant les fromages typiques de chaque région de France et dans un coin trône un soldat en plastique vert couvert de manteau. Devant la table, trépigne une petite rate. « Vite, vite, vite, on va être en retard !» C'est Pidos, qui ne tient pas en place. Elle secoue Tichouille, mais Tichouille n'est jamais vraiment réveillée. Ses valises sous les yeux semblent avoir des bagages à main. Sous le regard impatient de sa sœur, il se dirige péniblement vers la table en traînant ses pantoufles aussi râpées qu'un vieux gruyère. « Mais dépêche-toi! Franchement, si tu allais moins vite, tu reculerais !» Tichouille s'assoit pour boire son chocolat. Il se penche au-dessus pour ne rien gâcher de la bonne odeur qui se disperse en volutes de fumée. Après deux longues inspirations, il replonge dans son sommeil. Excédé, Pidos fronce le visage comme si elle avait croqué dans un citron. Ses moustaches se frisent et ses yeux crépitent comme la vieille guirlande. Arrive alors une rate toute ronde avec une queue raccourcie, car elle ne se méfie pas assez des portes qui claquent. C'est l'aînée, courcie. Elle ébouriffe tendrement Tichouille entre les oreilles et s'assoit avec lui. « Tichouille, attention, tu vas encore te noyer dans ton chocolat !» Il ouvre un œil, vide son bol d'un trait, fait une grimace parce qu'il est trop chaud et regarde Pidos qui l'observe du coin de l'œil. « Reste pas planté là, Pidos. On est pressé. Prépare-toi. » Pidos suffoque d'exaspération. Elle n'en croit pas ses grandes oreilles. Elle observe son frère mettre son dé à coudre dans l'évier, bricolé à partir d'une pièce de Lego retournée. Il prend alors une grosse goutte d'eau pendue à un bout de paille qui sort du mur et fait sa vaisselle. Il s'empare ensuite de son manteau et de son écharpe accrochée au soldat de plastique. Courcy suit le mouvement et les voilà tous les trois fin prêts pour une sortie en ville. « J'ai le trac !»« Mais non, tu vas être parfaite !» Pidos claque la porte. « Attention à ta queue, Courcy !» Courcy la retire in extremis. Flam ! Les voilà partis pour leur petite expédition nocturne. Il fait un froid mordant. Les rats quittent la ruelle sous un lent bombardement de petites perles blanches et froides. Ils longent les murs de la ville en prenant soin de ne pas attirer l'attention sur eux. Le trajet se déroule sans encombre, de leur ruelle à la vieille boîte de pizza, de la boîte à pizza à la canette de soda, de la canette au banc du monsieur qui ronfle et du banc à la crotte de chien. Les choses se gâtent à partir de la rivière de mégots. Tichouille saute de mégot en mégot en tirant la langue parce qu'on est bien mieux concentré avec la langue tirée. Pidos le suit en s'offrant le luxe de faire des pirouettes entre chaque saut carpé, mais quand vient le tour de Courcy, cette dernière, la queue entre les jambes, se mélange les pinceaux, prend l'eau et boit la tasse. Et ce n'est pas du chocolat. Elle se débat, remplit son museau d'eau croupie, crache, panique avant de se rendre compte qu'elle a pied. Elle se relève penaude. Pidos repêche le bonnet qui se prend pour une méduse et aide sa sœur à sortir de la mare au tabac. Elle est gelée et tremble si fort que son petit bout de queue joue de la guimbarde. Tichouille arrive alors avec une allumette encore rouge et fumante. Il la coince entre deux pavés, Courcy tend les pattes pour se réchauffer. « On aurait dû passer par les égouts. »« Pour finir dans le ventre d'un alligator ?»« Il n'y a pas d'alligator dans les égouts. » C'est une légende urbaine. J'ai lu dans un livre... Gna gna gna, monsieur le rat de bibliothèque, il sait tout sur tout. Le trio aquenote repart moustache au vent. Il faut maintenant traverser le territoire du terrible chat. Tcha-tcha. Le félin cubain qui déteste ronronner car ça lui gratte la gorge. Pidos grimpe à un réverbère pour faire un tour d'horizon. Ce n'est pas beau à voir. Des troupeaux de déchets évadés des poubelles arpentent librement les plaines de bitume battues par le vent. La traversée va être difficile. Un patin-roulette, certainement abandonné là par un pirate à jambes de bois, va grandement leur faciliter la vie. Un sac plastique accroché au lacet en guise de voile et hop, c'est un char à voile. Tichouille se met aux commandes. Le patin file sur le trottoir à toute vitesse. Tichouille a les moustaches qui dansent comme des spaghettis dans le vent et des larmes plein les yeux. À l'intérieur, ça sent la peur et la vieille chaussette. Coursi et Pidos dans les bras l'une de l'autre ferment les yeux et espèrent que Tcha-Tcha n'est pas de sortie. Miaou! Un chat gris les prend en chasse. Le patin accélère, prend un virage en épingle, rase les murs, slalome entre les pissenlits qui sortent du bitume. Mais le félin est trop rapide. Il saute par-dessus le roller char à voile et arrache la voile. C'est la stupeur. Le patin patine, les rats ratent le virage et devant le char chavire. Le gros matou pelé s'avance en roulant des épaules. Il regarde les trois rongeurs avec gourmandise. Pidos, Coursi et Tichouille tremblent de peur. Un coup de patte envoie valser le patin à l'autre bout de la ruelle. L'ombre de Tcha-Tcha grignote les pavés comme une tache d'encre vivante. Elle couvre les trois silhouettes. Ses yeux vert pâle brillent comme deux lunes moisies. Son sourire matou est à la fois drôle et terrifiant. Il lui manque des dents. On jurerait qu'il a un clavier de piano coincé dans la bouche, mais un piano qui ne jouerait que des fausses notes grinçantes. « Alors, comme ça, vous voulez traverser mon territoire sans me demander la permission ?»« On peut, s'il vous plaît ?»« Monsieur le chat qui fait peur ?»« Bien sûr, mais avant, je vous invite à ma table. C'était pour suite m'a ouvert l'appétit. »« Il y a quoi au menu ?»« Vous. » Ah non, c'est complètement nul. On est toutes pourrites. On s'est pas lavé depuis 10 semaines. Et on a pris des tas de bains de boue, avec des cochons. Qui sentaient pas la rose. Pidos, Coursi et Tichouille reprennent leur respiration, claquent des dents et sourient nerveusement en se tordant les pattes. Silencio! Vous vous êtes montré extrêmement mal poli. Pourquoi n'étiez-vous pas venu me voir au lieu d'essayer de passer en douce par chez moi? Ben, avec tout le respect qu'on vous doit, et un poil d'une épouvantable frayeur de se faire boulotter, vous avez une sacrée réputation de... comment dire... Monstre sanguinaire mangeur de... tout, en fait. Moi? Mais pas du tout. Vous seriez venu avec une boîte de chocolat, un bon film ou encore un spectacle de danse, et je vous escorte moi-même à votre destination. Ah, vous aimez la danse? La salsa, la carioca, les mia, j'adore. Le tcha-tcha-tcha? Soyons sérieux. Le tcha-tcha-tcha n'est pas une danse, on dirait des gens qui ont des pouces. Mais passons. Vous m'avez manqué de respect, je vais donc devoir vous manger. Il se lèche les babines d'un air gourmand, ce qui a pour effet de coincer sa langue dans un trou entre deux dents et de lui tirer une grimace. Coursi s'interpose. Attendez! Vous pouvez pas faire ça, notre sœur! C'est son grand soir! Elle fait ses premiers pas comme petit rat de l'opéra! Le visage de Tcha-Tcha se fend d'un grand sourire. « À l'opéra, j'adore les ballets. Qui va tout danser? La belle voix dormant, les lacs des cygnes, Casse-noisette ?» Timidement, Pidos répond. « Die Fledermaus, de Johann Strauss. »« Die Fledermaus, la chauve-souris, mon préféré. » Non, mais je comprends. On vous a manqué de respect, et le respect, c'est important. Vous êtes obligé de marquer le coup. Allez-y, dévorez-nous. Elle a le trac. Oh, mais non, elle va être parfaite et... Je vous emmène, grimpez. Tichouille ne cligne plus des yeux depuis maintenant au moins 7 minutes. Il ne comprend rien à ce revirement de situation. Il se voyait déjà en ratatouille. Tcha-Tcha l'interpelle. Restez pas planté l'appétit, on est pressé, et grimpe! D'abord dubitatif, le trio finit par s'installer sur le dos du matou-matois. Il avale la distance jusqu'à l'opéra en un rien de temps. Pidos s'engouffre par l'entrée des artistes pendant que le chat et les deux rats font le tour. Devant l'entrée principale se pressent les derniers chiens, chats, souris, furets ou pigeons venus voir le spectacle. Tichouille et sa sœur mettent pattes à terre et se précipitent à l'intérieur. Le portier referme derrière Coursi. Oui ! Tcha-Tcha s'apprête alors à faire demi-tour. Pidos sort la tête par l'entrebâillement. Bon alors, Tcha-Tcha, vous venez ou pas ? C'était une petite histoire de Telmi. Écrite par Frédéric Bagérès et racontée par Arnaud Guillou.